avait disparu. J'ai fini par savoir. Elle ne voulait plus me voir. Elle se cachait. Elle disait qu'elle ne m'aimait plus. Vous savez, quand on quitte quelqu'un qu'on a aimé, il faut dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Adieu, je pars. Mais disparaître, se cacher comme un criminel, c'est ignoble. Tout à coup, j'avais l'impression qu'on faisait moins un personnage de mauvais film. Les soldats.